Le jardinier et son seigneur. Un amateur du jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait dans certains villages un jardin assez propre et le clos attenant. Il avait, de plan vif, fermé cette étendue. Là croissaient à plaisir l'oseille et la laitue, de quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, peu de jasmin d'Espagne, force serpolée. Cette félicité, par un lièvre troublé, fit qu'au seigneur du bourg, notre homme se plaignit. « Ce maudit animal vient prendre sa goulée soir et matin, dit-il, et des pièges se rit. Les pierres et les bâtons y perdent leur crédit. Il est sorcier, je crois. »« Sorcier ? Je l'en défie, repartit le seigneur. Fut-il diable ? Miro, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie. » « Et quand ? Et dès demain ? Sans tarder plus longtemps. » La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. « Ça, déjeunons, dit-il. Vos poulets sont-ils tendres ? La fille du logis, qu'on vous voit approcher. Quand la marierons-nous ? Quand aurons-nous des gendres ? Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut, vous m'entendez, qu'il faut fouiller à l'escarcelle. » Disant ces mots, il fait connaissance avec elle. Auprès de lui la fait asseoir, prend une main, un bras, lève un coin du mouchoir, toute sottise dont la belle se défend avec grand respect. Tant qu'opère, à la fin cela devient suspect. Cependant, on fricasse, on se rue en cuisine. « De quand sont vos jambons ? Ils ont fort bonne mine. »« Monsieur, ils sont à vous. »« Vraiment, dit le seigneur, je les reçois et de bon cœur. » Il déjeune très bien. Aussi fait sa famille, chiens, chevaux et valets, tous gens bien endentés. Il commande chez l'hôte, y prend des libertés, boit son vin, caresse sa fille. L'embarras des chasseurs succède au déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les corps font un tel tintamarre que le bonhomme est étonné. Le pis fut que l'on mit en piteux équipage le pauvre au potager. Adieu planche, carreau, adieu chicorée, poireau, adieu de quoi mettre au potage. Le lièvre était gîté dessous un mètre chou. On le quête, on le lance, il s'enfuit par un trou. Non pas trou, mais troué, horrible et large plaie que l'on fit à la pauvre haie par ordre du seigneur, car il eût été mal qu'on eût pu du jardin sortir tout à cheval. Le bonhomme disait, ce sont là jeux de prince. Mais on le laissait dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps que n'en aurait fait en 100 ans tout le lièvre de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous. De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres.